bosser dead, l'orage passera sinon détox. Je me lève du mauvais yep, faut pas que ma tasse il déconne. Dehors c'est pas si beau, je m'étonne, les zombies pètent la xylazine. Taquine la cible, mais ce qu'on me dit de faire a pris la suite. Des pensées sans que le diable s'en mêle, patience si je vois rien dans ma prose. 20 ans que je suis pas bien dans ma peau. Des tas de fines bouches, ça ferait du bien que la masse disgouffe. Je tente d'écrire des trucs qui te parlent pas des putains de carapistouilles. Je préfère le fond, te bais, je m'achève et tombe lentement. J'ai tellement une tête de con que je vais gâcher les bons moments. Faudrait changer, repeindre le prix, j'entends les anges en crise. Ça se bouffe la tête, y'a plein de regrets quand je rends mes enfants tristes. Ce repère fait tâche, t'es tu m'étrages, ça perd du rage, bat l'aile. Je perds couetard, c'est du muetaille, c'est pas du rap à texte. Remballe l'échec, c'est carottes sûres, il faut que tes doigts te fait te pèse. En bas de l'échelle, faut que je m'accroche, c'est pour ma moitié que j'ai. De devoir chaque jour faire semblant et de faire croire aux gens que la vie on la pèse alors que ceux qui nous t'aident. Le cœur meurtrier sanglant affaibli mais vivant. On vient chanter nos peines et se libérer de nos chaînes. J'persiste à tout rater. Je broie du noir, ce naufrage engage que moi. J'ai plutôt le cœur à tout raquer. Je dis que ça va même si j'en chie, puis tout me ramène à m'isoler. Je suis le solitaire que les gens fuient, c'est ce qui m'amène à t'ignorer. Je dis non à tout, sauf à une part de flou à ouf. Tous me disent t'as vu ça où, et moi je leur souhaite une couille à tous. Une face invide et dure à vivre, et dans ses yeux je vois ce que j'ai. Je te lève la vie si tu fais mal à celle que j'aime. J'ai les nerfs, je manie le verre, et celle d'après ne passera pas. C'est mieux que soigner ses plaies dans un de ces verres de pastaga. On passera pas nos vies à fuir cette putain de poisson, on y passe. Un sparadrap sur moi n'a rien d'efficace. T'as le terrain, puis si t'es rien, te remplacera quand t'es parti. Et ça on le sait très bien, on fera nos places quand t'es ravi. En désaccord avec ses porcs et tout ce qui sort de ce décor de tâche. Fallait dire ces choses et que tout ça sorte avant que mon corps me lâche. De devoir chaque jour faire semblant et de faire croire aux gens que la vie on la pèse alors que ceux qui nous t'aident. Le cœur meurtrier est sanglant affaibli mais vivant. On vient chanter nos peines et se libérer de nos chaînes. Pas de parachute, je te lance un adieu face au vide. Le pire sera pas la chute, demande à Mathieu Kassovitz. Supporte le poids des défaites sans victoire attachinante. Je pourrais être défait que mes envies de gloire attaquent immense. Je reste en discorde, anti-score grotesque mais loyal. Anti-score en crise donne gros texte et noyade. Plus d'ambition, je vois grande bataille écriturée. Faut que je passe une envie de nom, je dois prendre un cahier trituré. On a connu la passe, matraque et grosse débile. Misère commune, on passe de crack à cause débile. Mes couplets sonnent, laisse-moi me nourrir de mon arampé. On a bien trop goûté le sol, autant vous dire qu'on a rampé. Y'a rien qui protégera ni veste ni les coudières. Les protèges rap, j'y vais ce qu'il écoute, Jeb. C'est plus mon son que je brandis, si des mawashi guéris me touchent. Mais pareil qu'ils font grandir, ma foi, je suis guéri de tout. De devoir chaque jour faire semblant et de faire croire aux gens que la vie on la pèse alors que ceux qui nous t'aident. Le cœur meurtrier est sanglant affaibli mais vivant. On vient chanter nos peines et se libérer de nos chaînes. De devoir chaque jour faire semblant et de faire croire aux gens que la vie on la pèse alors que ceux qui nous t'aident. Le cœur meurtrier est sanglant affaibli mais vivant. On vient chanter nos peines et se libérer de nos chaînes.